إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله يا إخواننا وأخواتنا مرحبا كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et nous avons déjà fait, il y a quelques jours, une série de durus فِيمَا يَتَعَلَّقْ بِالْوَلَى وَالْبَرَى concernant l'alliance et le désaveu qui implique l'obligation de l'alliance entre les croyants. Et comme l'avait cité Cheikh Al-Fawzan dans ce livre, que où qu'ils soient, quelle que soit leur ethnie, leur couleur, leurs origines, leur langue, les croyants restent des frères et il y a un amour obligatoire qui doit être éprouvé entre eux. Ou ressenti plutôt. Se réjouir de leur joie, partager leur joie, et s'attrister de leur peine et compatir pour leur douleur. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Masalul mu'minina » فتواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Que l'exemple des croyants entre eux dans leur affection, dans leur miséricorde, dans leur compassion est à l'exemple d'un seul et même corps. Lorsqu'une partie du corps est atteinte de douleur et se plaint, c'est tout le reste du corps qui en pâtit et qui le subit au point d'en subir des insomnies. On ne va pas faire les hypocrites et faire les beaux parleurs en faisant croire que ce qui arrive nous empêche de dormir. Malheureusement, notre foi n'a pas atteint ce niveau-là de piété. C'est une réalité. Nous sommes très faibles en cette époque. Et qu'elle nous en pardonne. Cependant, ce qui ne peut être obtenu dans son intégralité peut au moins être donné de façon partielle. Si ce n'est au moins des pensées, des doas. Et cela, en vue de ce qui s'est déroulé dans l'île de Mayotte, par ce cyclone ou cet ouragan qui a frappé cette île qui est déjà d'une situation très précaire, discriminée. Donc il en va de soi que les dégâts devaient être considérables pour les habitants. Moi personnellement, c'est peut-être une touche personnelle, mais ce qui m'a amené à plus essayer de me soucier du sort de nos frères et sœurs là-bas, c'est que déjà Mayotte est une île française habité par une communauté noire, qui est bien sûr une similitude avec mes origines à moi, qui suis martiniquais. Ça fait partie également de ce qu'on appelle les DROM, c'est-à-dire les DOM-TOM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire ça appartient à la France, mais c'est à l'étranger, c'est à l'extérieur. Le paysage, beaucoup de paysages des photos que j'ai vues, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. À la grosse différence, c'est que la majorité de la population de Mayotte sont des musulmans, alors que chez moi, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Et bien que les gens de Mayotte sont censés, on va dire, censés être des Français, car ils le sont sur le papier, mais il va de soi qu'ils sont discriminés. Et il en est de même sur mon île. Les Antillais, vous le savez, les Martiniquais, les Guadeloupéens, sont discriminés par la France. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des territoires qui avons été saisis et qui sont un profit pour les intérêts de la France, mais en réalité, le peuple dérange. Nous dérangeons. Mais comme nous sommes là, ils sont obligés de faire avec nous. Vous comprenez? Nous, on leur demande rien. On leur demande rien. Mais ce sont des faits que personne ne peut nier. Et la différence, il y a aussi, c'est que les gens de Mayotte En réalité, ethniquement parlant, vous êtes des Comoriens, en fait. Votre identité était usurpée par la France. Mais concrètement, même géographiquement parlant, vous êtes des Comoriens. Ça appartient aux Comores de base. Seulement, ça a été soutiré par la France, malheureusement avec certains de votre population ignorants qui ont préféré s'allier aux gens qu'il ne fallait pas et se séparer des gens qu'il fallait. Valait mieux une pauvreté, si on peut appeler ça comme ça, avec des frères musulmans, que de chercher une richesse auprès de Koufar et regarder leurs états aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été obtenu? Une pure discrimination. Rien n'a été gagné, en réalité. Donc comme on le dit, à la base, Mayotte, c'est un territoire français. Ça appartient à la France. On avait déjà posé la question même à Cheikh Bouham Al-Hadjouri. Et il avait dit que même si la population là-bas, elle est muslima dans son ensemble et qu'il y a des emblèmes de l'islam qui sont apparents, c'est vrai. Alhamdoulilah, que ça reste moins pire qu'ailleurs. Ça appartient toujours à la France et c'est sous les lois françaises. Donc, c'est malgré tout un territoire de Koufa. Quoi que l'on dise. Sans vouloir accabler les habitants. On vous parle de faits. Chad'an, Mayotte n'est pas un pays d'islam en soi, c'est une partie qui dépend de la France. Donc, vous savez que là-bas, il n'y a pas, on va dire que la population est, dans son ensemble, muslima, mais les autorités sont sous la main des koufars. Et j'imagine que ça doit être comme aux Antilles, vous savez, chez nous aux Antilles, Mathalan, le peuple est noir, mais tout ce qui est administratif et autorité, ce sont des blancs. Je suis pas raciste, hein, je vous parle de faits. D'accord. Et je pense qu'à Mayotte, ça va être pareil. La police, la gendarmerie, tout ce qui a autorité, tout ce qui est armé, tout ce qui a, ça doit être, je pense, des Français de souche. Je pense. Donc, ça crée quand même une forme de frustration. Tu dis, je suis chez moi et pourtant, ce n'est pas moi qui gère mon lieu d'habitation. Ce n'est pas géré sous mes coutumes, ce n'est pas géré sous mon peuple, ce n'est pas géré sous ma langue, ce n'est pas géré sous nos mœurs. Voilà. Et malgré que ce soit des koufars en Martinique, c'est le même sentiment. Ce même sentiment, malgré tout. Et ça, c'est humain. Ça, c'est humain de base. Donc, par rapport à Mayotte, on sait que les croyants qui y vivent, malgré tout, sont touchés par ce qui touche l'environnement dans lequel ils vivent. Comme a dit Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yarjou Jaysh al-Ka'ba, Fenkanu bibaydem al-Ard, Yursafu bi awalihim la akhilihim. Quand a dit Yara sallallahu, Kayfa yursafu bi awalihim wa akhilihim wa fihim. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura une troupe qui va venir pour conquérir la Kaaba, pour attaquer la Kaaba. Et il a dit ils seront engloutis du premier au dernier. Toute cette troupe. Et de là, Aïcha fut surpris, il a dit mais parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas là pour combattre. Des gens qui sont là, c'est des commerçants, des gens qui sont là pour autre chose. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils seront tous engloutis du premier au dernier. Cependant, chacun sera ressuscité en fonction de son intention. Donc, mine de rien, quoi qu'il soit arrivé là-bas, les gens ne sont pas égaux. L'épreuve a été à peu près similaire pour tout le monde. Tout le monde a été touché, mais le jugement final n'est pas le même. Et parmi ceux, nasallahu alayhi wa rahmahum, qui seraient morts parmi les muslimines, leur sort n'est pas le sort des koufars là-bas. Bien évidemment. Et vous savez, en tant que croyant, il nous est impératif de croire au destin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Et ce côté cité comme étant mauvais dans le destin, cela est relatif par rapport à la personne, car Allah azawajal n'a jamais décrété de mal. Son jugement n'est que du bien. Ou al-hakim, ou ahkamul hakimin. Cependant, ce côté relatif par rapport à l'humain est mauvais en lui-même pour ce que lui ressent de façon relative. Et c'est autour de ça qu'on voudrait, Inch'Allah, lire un kalam de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah ta'ala, pour que nous, en tant que croyants, on ouvre les yeux, on soit clairvoyants et qu'on tire profit à un astafid mima yossi ibuna fi hadith dunya, voilà, nakof le khasar. On profite de ce que nous attend ce bas monde et qu'on puisse éviter, on va dire, le déficit. Car il y a toujours du bien à gagner. Quoi qu'il arrive, il y a toujours du bien à gagner et le musulman doit rester positif. Donc il dit dans son livre, Jami al-Masail, yakul, an ta'lam an al-masaib ni'ma, wa zalika liyannaha mukaffirat liz-dhunub, wa liyannaha tad'uhu ila sabr, wa yuthab alayha, wa liyannaha taqtadi al-inaba ila Allah, والذل له والإعراض عن الخلق ولغير ذلك من المصالح العظيمة. Donc il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, que en fait, les malheurs qui nous touchent, en réalité, sont un bienfait. Car ils sont un moyen qui permet de pouvoir expier les péchés. Et cela incite, là on parle du croyant, à faire preuve de patience, de sobre, et dont il en tire une récompense. Ce qu'il est également l'implique qui revient vers son Seigneur. Il fasse preuve de inaba. Inaba, c'est un repentir, mais qui reste régulier. C'est-à-dire que la personne se repent à l'Azawa Jed et perdure sur la droiture par la suite. Ce n'est pas il se repent et après il revient en arrière ou il reste quelconque. Non, il va de l'avant et il s'améliore. Cela permet de s'humilier devant Allah Azawa Jed et surtout de se détourner de la créature. C'est-à-dire n'attendre que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre parmi tous les intérêts immenses qu'il y a. Donc là, nous, on vous dit, cela amène de devoir s'éloigner de l'attente des gens. C'est ce que Ibrahim a.s.w. a dit lorsqu'il était jeté au feu. Qale hasbi Allah wa ni'mal wakil. Que Allah me suffit et quel bon garant. Ne pas attendre de la France quoi que ce soit. Et ne pas attendre de Fulan ou Fulan quoi que ce soit. Et surtout, comme l'a enseigné le Nabi s.a.w. Ibn Abbas, qui était encore un enfant, un jeune garçon, il lui a dit wa'alam anna al-umma law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah lak. ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رجفت الأقلام ورفعت الصحف. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. رجفت الأقلام. Il a dit, Ibn Abbas, sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'apporter un bien, il ne saurait que t'apporter le bien que Allah Azawajal t'a déjà décrété. Et que si jamais ils venaient pour te nuire en quoi que ce soit, tous, les hommes entiers se réunissaient pour te nuire, ne saurait que te nuire en ce que Allah Azza wa Jalla t'a déjà décrété également. Donc ça, alhamdoulillah, ça amène à quoi? Là, c'est un kalam général. À ne pas se victimiser et en vouloir aux gens de ne pas avoir reçu d'aide. Car malheureusement, vous savez, quand le fardeau, le malheur, il tombe, il tombe. Quand Allah Azza wa Jalla a décrété que ça doit arriver, ça arrive. Que ce soit un cyclone, un ouragan, un tremblement de terre, une pandémie, un génocide, tout ce que c'est ce genre de choses qui touche l'être humain et qui ne vient pas, qui n'est pas le fruit de ses mains directement. D'accord? Qui n'est pas le fruit de ses mains directement. Que Allah Azawajal contrôle sa nature, sa création et en fait subir à l'être humain. Quand cela, ça tombe, ça tombe. Et quand les malheurs tombent, sur toutes sortes de malheurs qui puissent arriver, maladie, pauvreté, que l'être humain peut avoir, vous savez, il y a deux formes de personnes. Il y a celui qui sait prendre sur lui. Il sait prendre sur lui. Et malheureusement, il y a l'autre. Celui qui fait endosser son fardeau à autrui. Car quand le fardeau, il tombe, il tombe. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit tu l'endosses, tu prends sur toi. Bihamdillah ta'ala avec la force. Tatawakkal Allah Azza wa Jal. Ou soit alors, bah, tu vas t'en prendre aux autres. Tu vas en vouloir aux autres. Où est la Oumma? Qu'est-ce que font les gens? Que pensiez-vous qu'elle nous arrive? Ainsi de suite. Et ça revient à une forme de irtirad al-qadar. Ça revient à contester le qadar et le décret d'Allah Azzawajal. Et sachez que les gens qui agissent de la sorte ne font que mettre de l'huile sur leur feu. Ils sont déjà dans un malheur et se rajoutent du malheur sur leur malheur, malheureusement. Et le musulman, normalement, n'a pas l'esprit de victimisation comme ça. Parce que ce qui lui arrive, c'est pour le renforcer, le rendre meilleur, le faire aller de l'avant. Et il y a des sagesses derrière. Et ces sagesses, il pourra les avoir par le tawfiq d'Allah Azzawajal en comprenant la religion. En lisant le Coran, en lisant les hadiths, en lisant la vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vie des prophètes, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vu, ainsi que de leurs suiveurs, leurs compagnons, pour se dire que ce qui leur arrivait à eux, nous, c'est minime à côté en réalité. Et pourtant, est-ce qu'on a vu ces gens-là se victimiser? Ils ont toujours été de l'avant, c'est pour ça qu'Allah les a élevés, ils sont devenus des références pour nous. Donc après, il dit, Cheikh l'Islam, وَلَكِنَّ الْخَيْرِ بِهَا نَوْعَنْ. Le bien de ce malheur qui nous touche est de deux catégories. Ahaduhuma yahsul biha nafsuha. Il y en a un du bien de ce malheur, c'est le malheur en lui-même. En lui-même, il représente un bien. Comment cela, ça va venir inchallah. Wa thani yahsul bima yaf'aluhu al-mu'minu ma'aha min al-'amal as-salih. Et ensuite, ce que ce mal aura occasionné pour la personne qui l'aura poussé à faire du bien derrière. Ce qui aura été engendré. le sillon, le passage. D'accord ? Donc il y en a un, premier bien, c'est le mal en lui-même. Et deuxième, ce qui aura occasionné ce mal sur la personne. Il y a un autre bien qui va en apparaître. Yaqul, amma al-awwal fa fi sahihayn 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma yusibu al-mu'min min nasabin ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى شوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, que le croyant n'a pas été touché par de la fatigue, de la maladie, de la difficulté, des soucis, des préoccupations, de la tristesse, toute nuisance, ne serait-ce qu'une épine qui le piquerait, sans que Allah azawajal ne lui expie ses fautes. Et également dans un hadith, lorsque Allah Azawajal a fait descendre sa parole, man ya'mal su'an yujzabih, celui qui fait du mal, il en sera rétribué. Il a dit à Abu Bakr, ya Rasulallah, quand ja'at qasimat adh-dhuhr, il a dit, oh, message d'Allah, ce verset, il est venu pour nous, en réalité, nous, je sais pas comment on pourrait traduire. Qasimat adh-dhuhr, là-bas, c'est une chose qui te terrasse. Comme si tu vois que t'as plus d'issue, en fait. Et il a dit, qui donc d'entre nous n'a jamais fait de mal? C'est-à-dire qu'en fait, on va être rétribué qu'en mal, parce qu'on a forcément fait du mal. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Abu Bakr, alesta tansab, alesta tahzan, alesta yusibuka al-lawa'a, fadhalika mimma tujza'u nabi. Il a dit, oh Abu Bakr, n'es-tu pas touché par les difficultés? N'es-tu pas atteint de tristesse? N'es-tu pas touché par différents malheurs? Il dit, ben c'est cela. La rétribution. Ça veut dire que des choses qui te viennent malgré toi. Et vous savez, les gens, puis ils vont faire du mal, et puis cela peut être difficile, entre autres, ça varie d'une personne à une autre. Donc en réalité, il y a plein de choses qui nous atteignent. Ce sont des choses que l'on aura nous-mêmes causées. Mais, est-ce que pour autant on dramatise, on fatalise? Non. On en tire profit. Car Allah Azawajal, par sa grande rahmah, nous en sort meilleur et nous apporte par cela un takfir des zonobes. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقيمها تارة وتميلها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأروز لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le croyant est l'exemple de semences, de végétation qui pousse, des plantes, qui ne cessent de subir les affres du vent, que parfois le vent le couche, et parfois le vent le redresse. Vous voyez, des fois, vous voyez des feuilles, vous voyez des plantes se faire bouger au gré du vent. Des fois, c'est quand le vent est fort, ça se couche, ou des fois, ça la redresse, ainsi de suite. Donc, le croyant, il est à cette image-là. Il a dit, quant au munafiq, lui, il est comme l'arbre du riz. S'il reste toujours debout, quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Mais le jour où il tombe une seule fois, c'est fini. Une seule fois et c'est fini. Le jour où quelque chose lui arrive, c'est un seul coup, c'est fini. Alors que le croyant, non. Il se penche, mais il se redresse. Il se courbe, il se redresse. Et ainsi de suite. Et également, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna ashad an-nas bala'an, qala al-anbiya thumma salihun, thumma al-amthalu fal-amthal. Que les gens qui ont les plus grandes épreuves, ce sont en premier lieu les prophètes, puis les gens droits pieux, puis les gens, plus ils sont pieux, plus leur épreuve, elle est dure. Donc, wa la yubtala ar-rajul ala hasab dinihi, et que la personne est éprouvée en fonction de sa religion. Fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'ihi, wa in kana fi dinihi rakhawa khuffa lahu. Que si la personne, elle, dans sa religion, elle a de la force, de la ténacité, de la fermeté, alors son épreuve sera plus difficile. Quand celui qui aura plus de mollesse, plus de faiblesse, l'épreuve sera moindre. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Donc il s'est essayé d'imaginer les épreuves que les prophètes ont pu subir et des compagnons avec eux et des grands imams de la communauté. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yusib min. Celui à qui Allah veut du bien, il l'atteint par des malheurs. Dans un hadith d'Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui rendre visite, car ce dernier était malade. Il lui a dit, innaka la tu'aku wa'kan shadida qala ajal u'aku kama yu'aku rajulan minkum lianna li al-ajl marratayn fa hadhihi an-nusus. طيب avant on va lire le hadith. qu'il a dit, une mention de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, tu es en train de souffrir énormément. Il a dit, en effet, car moi je souffre comme souffriraient deux hommes d'entre vous. C'est-à-dire, moi je subis deux fois plus que vous. Et du fait que moi j'ai deux fois plus de récompenses. Yaqul Sheikh al-Islam, fa'adin nusus, wa amthaluha tubayyinu anna nafs al-bala yukafir Allahu bihi al-khataya wa ma'loum anna hadha min a'zam al-ni'am. Donc là, il dit, ces textes nous montrent que l'épreuve en elle-même, le malheur en lui-même, est un bien, car par sa cause, Allah Azawajal expie les fautes. Donc cela est parmi les plus grands bienfaits qui soient. Que des fois, des choses que tu as faites, tu ne sais même pas ce que tu as fait, tu ne l'as même pas rendu compte, ou tu as oublié, ainsi de suite, que Allah Azawajal t'enlève la faute de cela par ce genre de situation. Dans un autre passage, il dit, فَالْمَصَائِبْ رَحْمَا وَنِعْمَا فِي حَقْ عُمُومِ الْخَلْقِ. Donc il dit que ces malheurs sont une miséricorde et un bienfait de façon générale pour la créature, la personne. Allahumma illa an yadkhula sahibuha bi sababiha fil ma'asi a'zam mimma kana qabla dhalika fatakun sharran alayhi min jihat ma asabahu fi dinihi. Fa inna min an-nas man izbtuliya bi faqrin aw maradin aw jaw'in hasala lahu min al-jaza' wat-tasakhut aw sukhut wan-nifaq wa marad al-qalb أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يجيب له ضررا في دينه بحسب ذلك. Il a dit parce que ce sont des bienfaits, une miséricorde pour la créature, de façon générale. Hormis, là maintenant il va faire un tambih, la nuance. Pour celui qui, à cause de ses malheurs, se mettrait à commettre des péchés. Et qui serait une situation encore plus gravissime que celle qu'il celle sur laquelle il était avant que le malheur ne le touche. C'est-à-dire qu'avant le malheur, il était une situation, une fois que le malheur l'a touché, il devient pire encore. Donc lui, pour lui, c'est un mal. Pour lui, c'est un mal. Parce que cela lui nuit dans sa religion. Donc là, on voit que là, à ce moment-là, c'est, lui, cette personne-là, c'est pas un bienfait pour lui, ce qui lui arrive. C'est un châtiment, en fait. Il dit parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont éprouvés par la pauvreté, par la maladie, par la faim, ils commencent à ressentir de l'inquiétude et de la colère, et même de l'hypocrisie, et de la maladie du cœur, et certains même de la mécréance apparente, ou d'autres qui délaissent ses obligations, ou d'autres qui commettent des interdictions, de telle sorte que cela leur cause préjudice dans leur religion. Ça veut dire, face à l'épreuve, ils s'irritent, ils n'acceptent pas. Comme on disait tout à l'heure, ils n'arrivent pas à prendre sur eux. C'est comme si indirectement, ils se vengeaient d'Allah Azzawajal. Comme s'il disait, tu m'as fait ça, et ben, pour la peine, moi, il m'arrive, et ben, ces gens-là, sachez que lorsque le mal le touche, et que vous les voyez devenir, changer dans leur religion, devenir mauvais, faire plus de péchés ou quoi, sachez que cette épreuve qui les touche, ce n'est pas un bienfait pour eux, ces gens-là. Donc, en fait, le qiyas, c'est la religion de la personne. Si tu vois celui qui est dans la personne qui reste ferme, stable, ou même qui s'améliore, dis que ce qui lui est arrivé, c'est un bienfait pour lui. Quant à celui que tu vois qui se dégrade, qui commence à faire du mal, qui fait des péchés, des obligations, il change. Ça veut dire, il baisse de niveau. Lui, c'est un azab. Pour lui, c'est un azab. فَهَذَا كَانَتْ الْعَافِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ جِهَةٍ مَا أَوْرَثَتْهُ الْمُصِيبَةِ لَا مِنْ جِهَةٍ نَفْسِ الْمُصِيبَةِ كَمَا أَنَّ مَنْ أَوْجَبَتْ لَهُ الْمُصِيبَةِ صَبْرًا وَطَاعَةً كَانَ فِي حَقِّهِ نِعْمَةً دِينِيَةً. Il a dit donc, lui, en réalité, la santé et la prémunition auraient été meilleures pour lui. Parce que le malheur a engendré chez lui qu'il fasse du mal. Mais ce n'est pas le malheur la cause, c'est lui la cause. Tout comme d'autres personnes, ce malheur qui les a touchés les a rendus meilleurs. Leur a donné le sobre, leur a fait faire plus d'adoration pour se rapprocher encore plus d'Allah Azzawajal. Donc pour lui, c'est nièrement en fait ce qui lui est arrivé. C'est amer, c'est difficile, mais en réalité derrière, il voit les résultats. Il dit en fait ce qui m'est arrivé, ça m'a fait du bien. J'en ai souffert, mais ça m'a fait du bien. J'en sors meilleur. Et t'en as d'autres, ça m'a fait du mal, j'en sors pire. Et là, entre parenthèses, il y a un hadith, selon Anas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna idham al-jaza ma idham al-bala wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum fa man radiya falahu rida wa man sakhita falahu as-sukht. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la grandeur de la rétribution, de la récompense, est en mesure de la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire, plus c'est dur, et plus tu es récompensé. Mais dans quel sens? Quand tu es la personne qui agit bien, quand tu es la personne qui fait irtiseb, quand tu es la personne qui est positive dans la chose, et qui s'améliore par la chose, malgré tout. Et il dit que si Allah, il aime un peuple, il les éprouve. et que celui qui agrée, c'est-à-dire ce que Allah lui a prédestiné, et qu'il subit, alors il aura l'agrément d'Allah Azzawajal. Quant à celui qui s'en irrite et qui s'en agace, eh bien, il aura le courroux d'Allah, la colère d'Allah également. Ça sera en fait en contrepartie. Donc en fait, c'est comme un miroir. Ce qui t'arrive, c'est un miroir. Si tu es une personne qui agit bien face à cela, tu en auras du bien dans Allah Azzawajal, donc c'est un bien pour toi en fait. Par contre, tu vois que tu agis mal, eh bien c'est qu'Allah Azzawajal, après, est en colère contre toi et que ce n'était pas un bien pour toi. Bien qu'il y a toujours un bien, parce que c'est toujours tant que tu es vivant, un avertissement pour te dire « améliore-toi, attention ce qui t'arrive », c'est un signal d'alerte pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Remets-toi en question. En réalité, malgré tout. Mais maintenant, le muwaffaq, c'est « man waffaqahullah wa azawajal ». Celui qui va comprendre, celui qui va réagir. Il y a des gens, malheureusement, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. T'en as, ils s'en sortent. Et ceux-là sont les moins nombreux. Et t'en as d'autres qui s'enfoncent. Malheureusement. Et ça, déjà, chez les koufars, ils sont comme ça, de base. Mais toi, le croyant, tu te différencies du kafir, tu te distingues de lui. Car toi, tu as la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et tu as ce genre de texte, ce genre de rappel qui te disent ce qui t'arrive, aussi amer soit-il, il y a un bien pour toi derrière et pour autrui. Donc, apprends à le distinguer et tire-en profit. Également, qu'Allah Azzawajal, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Il a dit, dans le sens, nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah Azzawajal, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur et Allah est omniscient. Par rapport à ça, Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit, يعني عن قدره ومشيئته أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه بما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه أو خير منه. Il a dit Ibn Abbas par rapport à ce verset qu'en fait ce qui te touche c'est parce qu'Allah l'a décrété. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le Nabi Sassam lui a dit que si tout le monde voudrait t'aider, le seul bien qui viendrait, c'est que c'est un bien que Allah t'a écrit. Que si tout le monde veut te faire du mal, le mal qui t'atteindra, c'est pas le mal des gens en soi, c'est le mal que Allah t'avait prédestiné. Donc la personne qui subit cette chose-là, et qui sait que ça vient d'Allah Azzawajal, qui sait que c'est son décret, d'accord, et qui patiente, et qui cherche la récompense, et qui se soumet, et qui se résigne, alors Allah va guider son cœur. Et Allah va lui remplacer ce qu'il a perdu en ce bas monde, par de la guider en son cœur, par de la certitude et par de la véracité. Et que Allah Azzawajal lui remplacera ce qui lui a été pris dans ce bas monde par meilleur. Par meilleur. Tu peux avoir perdu ta maison, tu peux avoir perdu ta voiture, peut-être même des membres de ta famille. Tu as perdu des biens. Mais cependant, si jamais tu fais preuve d'irtisab et de sobre, Allah Azzawajal te rendra par meilleur. Et plein de hadiths sont venus. Et que ceux qui patientent au minimum, on dit bien au minimum, Allah Azzawajal leur a promis le Jannah, le paradis. C'est-à-dire que même dans ce bas monde, tu ne vois rien qui vient, alors que ça va venir, mais peut-être que toi, tu ne vas pas t'en rendre compte, en fait. Parce que toi, tu attends quelque chose de particulier, et qu'Allah Azzawajal t'a prédit autre chose. Ou t'as prédestiné à faire une autre chose. Ou Allah, il y a l'amou, on tombe la terre à l'amou. Allah, il sait où vous ne savez pas. Mais quoi qu'il en soit, n'attends pas, t'as perdu une voiture, d'avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, c'est pas ça que ça veut dire. T'auras meilleur, mais ce meilleur, quel est-il? Allah, il le sait, toi, tu ne le sais pas forcément. Et que même si tu ne le vois pas, et que les gens ne l'ont pas vu, sache que, après la mort, tu auras la meilleure et l'ultime récompense qui est le pardon d'Allah Azzawajal et l'entrée au Jannah. Et cela, à lui seul, suffit à t'aider à patienter. Car le sobre, c'est quoi? C'est quoi le sobre? Habs al-nafs ala ta'atillah. Habs al-nafs ala aqdarillah, wa habs an-nafs an ma'siyatillah. C'est le fait de maintenir sa personne sur l'obéissance d'Allah. Quoi qu'il arrive, tu obéis à Allah Azzawajal. C'est le fait de maintenir sa personne sur ce que Allah a décrété, c'est-à-dire que tu ne trouves pas de mécontentement, tu ne te mets pas en colère et tu ne demandes pas pourquoi et tu ne contestes pas. Et c'est également, tu maintiens ta personne à ne pas tomber dans ce qui te tente comme péché. Et ça, la patience. Tu te maintiens. Tu ne te laisses pas aller à tes émotions, à tes sentiments et à tes envies. Tu te maintiens. Hada wa sabr. Ensuite, Cheikh Islam, il dit, فَهِيَ بِعَيْنِهَا فِيَلْ أَرَبْ عَزَّ وَجَلْ وَرَحْمَةً لِلْخَلْقِ. Donc en fait, ce malheur qui te touche, c'est l'acte d'Allah Azza wa Jal et qui est une miséricorde pour la créature. ثُمَّ يَقُولْ فِي فَقْرَ أُخْرَى. Donc là, on a fini quoi? On a parlé de le premier khayr qui est ce malheur en lui-même ce qu'il t'apporte, en lui-même. يقول وأما الخير الذي يحصل للمؤمنين بالمصيبة فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. Et ensuite, il dit que le bien qui découle justement de cette musiba, eh ben lui, il va différer en mesure de la diversité des gens, de leur situation. Car les gens ne vont pas réagir pareil. Chacun a un niveau. Et plus les gens sont forts, plus ils vont faire du khayr, et moins ils le seront, moins ils en feront. Mais, malgré tout, le croyant, Murtasim Sabir, en fera toujours quand même. Ensuite, il cite par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons certes vous éprouver par de la peur, de la faim, de la perte de biens, de la perte de proches, de la perte de nourriture, et fais la bonne annonce aux endurants, aux patients. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et on vient de décrire qui étaient ces patients, ces endurants. Donc la bonne nouvelle, elle a été annoncée pour les endurants par Allah Azza wa Jalla dans son livre. Mais qui sont-ils ces endurants? La suite du verset le dit. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ce sont ceux qui, lorsque un malheur les touche, ils disent, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Cette parole-là, il faut la dire lorsqu'un mal nous touche et ne jamais l'oublier. Car elle peut apporter un grand khayr, comme dans le hadith de Umm Salama, elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que si celui qui touche un malheur, il dit cette phrase-là, que Allah lui apportera meilleur par la suite. Et elle l'a dit, Umm Salama, parce que son mari, il est mort, Abu Salama, qui était un très bon époux. Elle a dit, elle a fait cette invocation, elle a fait ce zikr. Elle a dit, mais quel époux je vais avoir de meilleur que lui? Allah Azza wa Jalla l'a gratifié par un mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu mieux encore par la suite. Donc tu te rappelles que tu appartiens à Allah. Tu n'es pas ta propre propriété. Ta vie ne t'appartient pas à toi. Tu n'es pas libre. Tu es le sujet d'Allah. Tu es la création d'Allah Azza wa Jalla. Tu es sa propriété. Et c'est vers lui que tu reviendras. Donc à ce moment-là, tu te rappelles. Tu dis, certes, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit, Cheikh al-Islam, فَمَنُ بْتُلِيَا فَرُزِقَ الصَّبْرُ كَانَ الصَّبْرُ نِعْمَةً عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَحَصَلَ لَهُ بَعْدَمَا كُفِّرَ مِنْ خَطَايَهُ رَحْمَةٌ وَحَصَلَ لَهُ بِثَنَائِهِ عَلَى رَبِّهِ صَلَاةُ رَبِّهِ عَلَيْهِ حيث قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات وهذا من أعظم نعم. Donc il a dit, celui qui a été éprouvé et qui a à qui Allah a octroyé la patience, que cette patience c'est un bienfait pour lui dans sa religion. Donc là maintenant c'est quoi? Ce sont les fruits de ce bienfait par la suite. Au début, on a dit quoi? C'est quoi le premier khayr? Que ce mal en lui-même t'enlève des péchés. Maintenant, les conséquences, on va dire la semence et les fruits de ce mal sur toi, c'est que il te pousse à patienter et cette patience est une ni'ma d'Allah dans ta religion. Après que tes péchés aient été effacés et que toi, tu fais les éloges d'Allah en disant « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », Allah Azza wa Jal, il dit de ces gens-là, dans le sens « Ceux-là sont ceux qui auront les éloges d'Allah et ceux-là qui auront une miséricorde. » Donc ceux, qui sont-ils? Les patients, qui lorsque un mal les touche, ils ont dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Cela, Allah fera leurs éloges, ils auront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leurs péchés seront effacés et seront élevés en degré, et ça c'est parmi les plus grands des bienfaits. Réalisez bien ce qu'on vous dit, ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des choses qui changent votre vie. Des choses qui changent votre vie entièrement, que ce soit maintenant pour ce qui se passe actuellement à Mayotte ou dans d'autres situations. Et c'est pas seulement pour les gens de Mayotte, c'est pour toute personne qui écoute, qui veut le profiter. Car le malheur touche tout le monde, où que l'on soit. Ça peut être, comme on l'expliquait, par la perte de biens, la perte de proches, par la peur, par la faim, tout ce qui s'en suit, c'est général. D'accord? C'est valable pour tout le monde, en réalité. Mais là, Al-Munasaba al-Yum, huwa bima hasala fi Mayotte, en particulier. Yaqul fal-sabru wajibun ala kulli musab. فَمَنْ قَامَ بِالصَّبْرِ الْوَاجِبِ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا الرِّضَى فَمُسْتَحَبٌ فِي أَصَحِ الْقَوْلَيْنِ فَمَنْ قَامَ بِهِ كَانَ مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضَوْا عَنْهُ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زَيْدٍ Ar-rida jannatud dunya wa babullahi al-a'zam. Donc la patience, cette patience, elle est obligatoire pour toute chose qui nous touche. On doit obligatoirement patienter. Et quand les gens sont touchés par un mal, tu leur dis patiente, tu leur as tout dit. T'as des gens, ils lui disent oui, mais ça ne suffit pas. Tu veux quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a dit le Nabi sallam, wa mawti ahadun khayrun a'zam ou ahadan khayrun a'zam ou awsam min sabr, que personne n'a reçu de don plus large et meilleur et plus grand que le sabr. Et déjà, ça ne suffit pas. On leur dit patiente, ils en veulent plus encore. Oui, mais non, mais en fait, t'as pas compris. Si, j'ai compris. Patiente. Tu n'as rien d'autre devant toi. Le sabr. Et ce sabr, quand tu vas l'avoir, tu vas le comprendre, tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as reçu la plus grande richesse du monde. Bien sûr, après l'islam, le tawhid et la sunna, bien évidemment. Car ce sabr sera ton moyen de pouvoir affronter, aller de l'avant. Sans le sabr, tu vas te suicider. Tu vas faire des crises. Tu vas t'effondrer. Tu vas commencer à contester le destin et tu peux tomber dans le coufre. Pourquoi les koufars les suicident? Pourquoi ils font des crises? Pourquoi ils font ce qu'on appelle des blackouts, ce genre de choses? Parce qu'ils n'ont pas de sabre. Ils n'ont pas de sabre. Alors que le croyant, lui, aussi pauvre soit-il, aussi faible, physiquement soit-il, ou même s'il est malade, il a cette force que le kafir n'a pas, il a ce sabre. Ça, c'est un atant azim. C'est un don immense qu'Allah Azawajal n'a pas donné à n'importe qui. Et si jamais tu vois que tu ne l'as pas, alors demande-lui qu'il te donne. Ne demande pas forcément une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Ou non, demande le sobre. Car ce sobre, si la dunya vient à part, un jour du tas, demain t'as plus. Mais le sobre, il faut que tu l'aies tout le temps. Jusqu'à ce que tu aies tes deux pieds dans le cobre. Il faut que tu aies le sobre. C'est un élément essentiel et crucial et vital pour la foi du croyant. Et pour qu'il se facilite la vie en ce bas monde. Donc il dit maintenant, chez l'islam, que celui qui a cette obligation, ça veut dire... Là, c'est le minimum, c'est le sobre qui est obligatoire. Le sobre. Après, il y a l'autre étape qui est l'agrément. Ce n'est pas seulement tu patientes, mais tu agrées ce qui t'arrive. Et ça, il dit, en réalité, c'est recommandé d'avoir ce sentiment-là. Car celui qui agrée ce que Allah Azzawajal lui a décrété, alors Allah va l'agréer également lui. Et il a rapporté une parole de Abdul Wahid ibn Zayd qui l'a dit que l'agrément de la personne de ce qui lui arrive, il agrée. C'est le Jannah en ce bas monde. Et que c'est la porte qui mène vers Allah la plus grande. Que tu agrées ce qui t'arrive. Et pour que tu agrées, tu es obligé de savoir le bien qui en découle. Et pour avoir le bien qui en découle, il faut que tu aies l'ilm. Il faut que tu aies la sagesse. Il faut que tu aies eu un rappel. Il faut que tu aies la religion. Et ainsi de suite. Il faut que tu aies les bonnes personnes autour de toi qui te soutiennent, qui t'aident. Pas des gens qui t'accablent, et qui pleurent et qui te font peur, qui te mettent dans l'angoisse. Qui t'aident pas. Non, ces gens-là, ils ne servent à rien, ils te nuisent. Il faut des gens qui t'aident à tenir droit, tenir debout, comme il se doit. Yaqul, wa min al-wajibat allati qad tahsul bil musiba, également, at-tawba, fa inna Allah yabtali al-ibad. Également, parmi les choses obligatoires, lorsque un mal nous touche, c'est de faire tawba. C'est de faire tawba. Fa inna Allah yabtali al-ibad bi'azab al-dunya liyatubu min dhunubihim. Que Allah Azawajal éprouve ses serviteurs avec un châtiment en ce bas monde, afin qu'ils se repentent de leurs péchés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le moins de péchés parmi nous tous, pourtant faisait Tawba et Stighfar 100 fois par jour. Donc combien de fois on devrait le faire nous par jour en réalité? Combien nous on mériterait de le faire par jour? Qala ta'ala, wa lanuziqannahum min al-'adhab al-adna dun al-'adhab al-akbar la'allahum yarji'un, que nous allons leur faire goûter le châtiment moindre en dehors du châtiment majeur, afin qu'ils reviennent. C'est quoi le châtiment moindre? C'est le châtiment de ce bas monde. Les choses qui t'atteignent dans ce bas monde, qui te font du mal, selon ta vision des choses à toi, bien sûr, car pour Allah Azawajal, c'est un bien. Et c'est quoi le but? La'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent. Wa qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Et qu'il n'y a pas un mal qui vous a touché, si ce n'est pour ce que vos mains ont accompli et que Allah pardonne beaucoup. Pardonne beaucoup. Donc, en même temps, ça te permet de te remettre en question et de faire tawba des choses que tu as faites, que tu t'en rappelles ou pas. Car faire tawba, ça t'amène à quoi? Que le Yom al-Qiyamah, tu vas arriver, tu auras moins de péché. Du mal que tu as fait à des gens, du zulm, plein de choses. Tu te rends compte, tu dis, j'ai fait ça, ce qui m'arrive là, c'est à cause de ce que j'ai fait à ce moment-là, j'en suis sûr. Ou je pense. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu peux recommencer, tu regrettes vraiment. Mais ce n'est pas seulement la tawba, c'est comme on l'a dit au début, également inaba. Ça veut dire que tu vas de l'avant. Et tu continues sur la droiture. En fait, tu t'améliores. La tauba, c'est une chose qui ne fait que t'élever. Mais pour cela, il faut une modestie d'avoir reconnu, avoir commis les erreurs. Avoir reconnu, d'avoir fait des erreurs. Et Allah Azzawajal aime la tauba. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin yuhibbu mutatahhirin. Que Allah aime ceux qui repentent et ceux qui se purifient. Donc en fait, ça rentre dans la mahabba d'Allah Azzawajal. يقول فمن رزق رزقه الله وتوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. Que celui à qui Allah a octroyé la force de se repentir à travers ce malheur qui le touche, cela est parmi les plus grands bienfaits que Allah lui a accordé également. Encore des bienfaits. Ça te pousse à faire tauba. Et vous savez, votre île, vous la connaissez mieux que tout le monde. D'accord ? Combien de péchés qui sont là-bas ? Le tabac rouge chez les femmes qui sont mal habillées. De la violence urbaine qu'il y a parmi les jeunes dans les rues, ce qui s'ensuit. Combien d'injustices sont commises ? Combien de péchés sont mis ? À Mayotte, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de crimes qui sont commis là-bas. C'est un fait ou pas ? C'est un fait. Donc en même temps, cela est venu pour purifier cela, pour que les gens prennent conscience. Et qu'ils s'améliorent, qu'ils cessent cela. Et que ce péché, ce n'est pas forcément eux qui l'ont fait en lui-même, qu'ils sachent, qu'ils rappellent aux autres, regarde ce que tu fais depuis des années, arrête de le faire parce que parmi les causes de ton péché, ce qu'on subit actuellement. Même si c'est Nirma, on ne veut pas d'ouragan, on ne veut pas de tremblement de terre, on ne veut pas de pandémie, ces choses-là, on ne les veut pas de base. Mais si elles viennent, on fait face, mais est-ce qu'on les souhaite ? On ne les souhaite pas. Parce qu'Allah, le Nabi Sassan nous a demandé à l'afia, Allah Azzawajal, qui nous, la prémunition, la santé, la préservation, de base. On ne demande pas le, parce qu'on ne sait pas comment on va faire face à l'épreuve. Quelqu'un va dire, ah, machallah, moi, je veux qu'il y ait, un cyclone comme ça, Allah m'éprouve. Mais qui te dit que tu vas être moins fuck pour tenir face au cyclone? Qui te dit que tu seras pas parmi les gens, justement, qui vont contester, qui vont pas tenir? Qu'est-ce que t'en sais? Que tu auras la force? Tu ne le sais pas, donc, crains les fitaines. Mais le jour où ça arrive, demande à Allah Azzawajal le sobre de faire face. Mais n'attends pas la fitna en elle-même. Mais si elle vient, alors demande le sobre de faire face. Mais si tu veux pas que ça arrive, bah, les péchés, faut qu'on les cesse. Et non pas seulement nous-mêmes, on les cesse, mais qu'on incite les autres à le cesser également. C'est le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça concerne tout le monde. On en parlait l'autre jour, dans ce fameux hadith, où le Nabi sallam a dit que ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, à l'exemple de gens qui sont sur un bateau, tous sur le même bateau, les bons comme les mauvais, sur le même bateau. Et que ceux qui sont en dessous du bateau ne voulaient plus demander de l'eau à ceux qui sont au-dessus. Le déranger. Donc ils se sont dit quoi ? On va faire un trou dans le bateau en bas, comme ça on aura de l'eau directement, on ne dérangera pas ceux d'en haut. Qu'est-ce qui se passe si tu fais un trou dans le bateau en bas ? Ben, le bateau il va couler. Et qui est-ce qui va couler ? Ceux d'en dessous seulement ? Tout le monde va couler. Donc de là, ceux d'en haut, s'ils laissent faire ceux d'en bas, tout le monde va couler. Donc toi, comme on le répète à chaque fois, quand les gens font du mal devant tes yeux, empêcher comme tu peux de faire du mal. Et s'il te dit ça ne te regarde pas, tu dis si ça me regarde, on est dans le même bateau. Et je ne veux pas couler. Donc ce mal que tu fais, cesse-le. Mais vous le faites de la meilleure façon, bien sûr. Ne pas faire cesser le mal par un plus grand mal. Trouver la sagesse d'agir. Après, ça revient à chacun par rapport au mal qui va devant lui. Vous voyez ? Mais à Mayotte, il y a du mal qui court dans les rues. Il y a des choses qui se font qui sont pas bonnes. Et je parle des muslimines. Enfin, même pas des koufars, je parle des muslimines. Le kafir, tu le dis terkellah, il va rigoler. Crains Allah, il va dire quoi ? Peut-être il va insulter Allah Zawajel. Mais entre vous, les croyants, les frères et les sœurs, sachez vous faire le conseil. Et ça, c'est pour votre bien. C'est pas pour avoir le dessus l'un sur l'autre, pour critiquer ou rabaisser, c'est pour le bien de tout le monde. C'est l'intérêt général. L'intérêt général. Les imams qui sont dans les mosquées, dans les khutbahs du mois, ils doivent faire cela. Et ce n'est pas que pour l'imam, c'est pour tout le monde. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkara, celui d'entre vous, il n'a pas dit l'imam, il n'a pas dit le policier, il n'a pas dit le juge, il n'a pas dit le... Il a dit celui d'entre vous, homme, femme, grand, petit, fort, faible, qui voit un mal, il le change par sa main. S'il ne peut pas, par sa langue. S'il ne peut pas, dans son cœur. Et cela, le niveau le plus bas de la foi. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas propre à l'imam dans le masjid. Ce n'est pas propre au prédicateur. Ce n'est pas propre à, comme je dis, celui qui a forcément autorité. Tout le monde en mesure de dire à quelqu'un, quand il fait un mal, arrête de faire cela. Crains Allah. Ce mal te fait du mal à toi, il va nous faire du mal à nous tous, au final également. يقول شيخ الإسلام toujours on continue وأيضا فمن الخير الذي يحصل بها دعاء الله والتضرع إليه. Il a dit parmi le bien du malheur qui nous touche, ce que cela nous incite à invoquer Allah عز وجل et à le supplier. كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Nous avons certes envoyé à des communautés avant toi et nous les avons saisies par les malheurs et les fléaux afin qu'ils supplient. Afin qu'ils supplient. C'est une chose qui n'est pas nouvelle. Le fait d'invoquer Allah, de le supplier parmi les grands bienfaits également. Car le dua ou l'ibada, que l'invocation, c'est l'adoration. Allah nous a imposé de l'invoquer. Invoquez-moi et je vous répondrai. Donc cela incite la personne également touchée par le mal de revenir à Allah et de l'invoquer. فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين فإن صلاح الدين في أن يعبد الله ويتوكل عليه ولا يدعى مع الله إله آخر ولا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. Donc il a dit ce bienfait et ce cité auparavant sont parmi les plus grandes causes de la réforme de la religion. Et cette réforme de la religion n'a lieu que du fait que Allah soit adoré seul, que l'on place sa confiance en lui seul, que nul ne soit invoqué en dehors de lui. Ni dans l'invocation de l'adoration, ni l'invocation de la demande. Ça veut dire revenir à Allah seul, c'est le tawhid. Le tawhid qui est le socle de la religion. Le tawhid, ce pourquoi nous avons été créés. Les épreuves doivent nous renforcer, nous faire revenir au tawhid. Et on sait que là-bas, là où vous êtes, et c'est proche des îles des Comores, le soufisme est répandu à outrance. Et que beaucoup de gens invoquent autre que Allah Azawajal. Ils invoquent les awliyas, ils invoquent les morts. Ils ont des croyances shirkiyah, dans lesquelles il y a du shirk. C'est connu. Là où il y a du soufisme, il y a du shirk. C'est inévitable. On ne dit pas que tout soufi est mushrik, mais que beaucoup de soufisme est basé sur le shirk. Beaucoup. Comme le fait d'adorer les tombes, d'invoquer les awliyas, de croire qu'ils ont un contrôle dans le cours des choses, et ainsi de suite. Au moment où Amal les touche, d'invoquer Allah Azawajal, ils vont voir la tombe de quelqu'un, ils l'invoquent, ils vont égorger pour quelqu'un qui est déjà mort, qui ne peut rien faire pour eux, et ainsi de suite. Combien le font ça? Ces gens-là vous font encore plus de mal qu'un cyclone. Ces gens-là sont pires qu'un cyclone, pires qu'un tremblement de terre, pires qu'un volcan, pires qu'un tsunami. C'est le plus grand mal qui soit sur terre, c'est le shirk. Et pourtant, des gens dans le mal, c'est ça qu'ils font, subhanallah. Au lieu de revenir vers Allah Azawajal, ils vont vers la créature. Et ceux qui souffrent de cela, car des gens, il y a des mots. Combien sont des mouahidines voient ce shirk qui leur brise le cœur et disent comment faire pour stopper cela? La plus grande cause pour contrer ces fléaux, c'est talab al-ilm, c'est apprendre la religion et propager la da'wa rahmatan linnas. Il faut apprendre, prendre le temps d'apprendre avec sérieux et sincérité. Apprendre le tawhid, apprendre la sunna pour propager la religion. Car les musulmans aujourd'hui sont dans une grande ignorance, une ignorance profonde qui leur nuit. D'accord? Une ignorance profonde qui leur nuit. Et cela ne peut être contré et paré que par le ilm. Et ce ilm, il faut aller le chercher. Ce ilm, il faut le prendre auprès des gens qui sont aptes à le donner. Il faut faire un effort. Donner de son temps, de son énergie, de son argent même s'il le faut. Et tout ça n'est pas perdu. Hada wa al-nafaqa fi sabilillah. Ça, c'est dépensé dans le sujet d'Allah Azza wa Jal. Thumma yaqul, fa'iza hasara laka ad-du'a alladhi wa su'alullah. حاجتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به مما تستدر به كان هذا من أعظم نعم الله عليك وهذا كثيرا ما يحصل بمصائب. Il dit, si jamais Allah Azza wa Jal t'a donné la force, le tawfiq de l'invoquer justement, qu'il comble tes besoins, alors, et que tu lui demandes ce qui t'est bénéfique, et que tu recherches refuge auprès de lui de ce qui peut te porter préjudice, cela est parmi les plus grands des bienfaits également sur toi. Et ça, on le trouve à quel moment? Quand les mots nous touchent. Combien de gens, après que des mots les aient touchés, se sont améliorés? Beaucoup se sont empirés. Mais beaucoup se sont améliorés. Combien de gens même sont rentrés en islam après avoir vécu une épreuve difficile? Avoir vu des amis à eux mourir? Avoir vu la mort devant eux? C'est une cause pour qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à l'islam. Alors que dire de musulmans qui commettent des péchés? C'est des causes pour qu'ils s'améliorent. Donc, ça c'est parmi les grands ni'ma qu'il y a dans les masa'ib. Et n'oubliez pas, comme a dit Ta'ala, عَسَىٰ أَن تَكَرَهُ شَيْئًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَشَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, vous ne savez pas. Allah il sait et vous ne savez pas. Et on l'a rappelé que personne n'a reçu de don plus grand et plus gratifiant que le sobre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sta'ana أغناه الله، ومن تصبر صبره الله، وما أعطي أحدا خير أعصى وأعظم من الصبر. Que celui qui se passe des gens, qui se passe de tout, Allah fera en sorte qu'il se passe d'autrui, de dans la force, la richesse du cœur. Et que celui qui se donne la force de patienter, Allah lui accordera cette patience. Et qu'il n'y a personne qui n'a reçu de don plus grand et plus qui ait plus de valeur et plus grand que le sabr dont nous avons parlé. Toujours est-il également au passage, on incite à toute personne qui soit ailleurs que Mayotte également, de ceux qui peuvent apporter soutien à leurs frères et sœurs là-bas, de le faire. Des biens financiers, car des dégâts matériels, bien sûr, il y en a eu énormément. Donc cela est parmi les dépenses fisabilillah azawajal. Et le minimum à faire est d'invoquer pour eux à Mayotte. Et pour tous les musulmans dans le monde, que ce soit en Palestine, que ce soit au Liban, que ce soit en Chine, que ce soit même en Syrie, que ce soit ici au Yémen, que ce soit partout où les musulmans subissent des choses de la part, soit de leurs ennemis, ou soit alors des épreuves qui tombent, qui ne sont pas de leur, c'est-à-dire de leur, une chose directe humaine, ou quoi, ils méritent le dua, c'est le minimum à faire, et ne pas oublier cela. Et vous savez, c'est un point commun également que je voulais citer au début, c'est que vous savez, nous comme vous, vous êtes en une période, les gens de Mayotte, où les gens sont complètement distraits par autre chose, c'est des fêtes de fin d'année, donc les gens ils n'en ont rien à faire. Là, ils fêtent Noël, ils ont fêté le jour de l'an. Ce qui se passe à Mayotte, c'est pas leur problème. On a vécu cela, sachez, à Delmadj, pendant les blocus, qui ont également lieu pendant les fêtes de fin d'année. On a subi la guerre, la faim, la peur, la mort, tout ce qui s'ensuit, au moment où les gens n'en avaient rien à faire de nous. Il est marhamallah. À part une partie minime, les gens étaient en pleine fête, en pleine distraction, et personne, très peu savait ce qui se passait quelque part dans le monde pour des croyants. Et malgré tout, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est ce qu'a dit Ibrahim lorsqu'il était jeté au feu. Et que Allah Azzawajal a rendu le feu fraîcheur pour lui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fanaktafi bihadha al-qadr wa naqul subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah.